Oh là, monsieur le philosophe, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Mais qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il, messieurs? Ils se sont mis en colère pour la préférence de leur profession jusqu'à se dire des injures et vouloir en venir aux mains. Oh. Et quoi, messieurs? Faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment, monsieur, il vient nous dire des injures à tous deux en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont il fait profession? Non. Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Ils ont tous deux l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne. Faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de vaine gloire et de condition que les hommes doivent disputer entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Et moi que la musique en est une que tous les siècles ont révérée. Et moi je leur soutiens à tous deux que la science de tirer des armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Oh. Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tous trois bien impertinents de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit même pas honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable de gladiateur, de chanteur et de baladin. Allez, philosophe de chien! Allez, délitre de pédant! Allez, cuistre fieffé! Comment? Marron que vous êtes! Monsieur le philosophe! Infâme! Coquin! Insolent! Monsieur le philosophe! La peste l'animal! Messieurs! Impudent! Monsieur le philosophe! Qui rentre soi de l'âne batté! Messieurs! Scélérat! Monsieur le philosophe! Oh diable impertinent! Messieurs! Fripon! Gueux! Traître! Imposteur! Monsieur le philosophe! Messieurs! Monsieur le philosophe! Messieurs! Monsieur le philosophe! Battez-vous tant qu'il vous plaira, je n'y saurais que faire et n'irai pas gâter ma robe pour vous séparer. Je serais bien fou de m'aller fourrer parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal.